dans ce train. Je n'avais pas de ticket, jusqu'ici tout va bien. On m'a dit qu'il fallait pas flipper. Et je vois que les autres s'aiment, je n'ai pas fait de manière. C'est en disant je t'aime qu'il n'y avait plus de place en première. Plus j'avance et plus je me dis, est-ce que c'est bien toi? Une femme nous dira toujours, ai-je fait le bon choix? Hey! Je n'aime rien que toi, mais ça c'est ce que tu crois. Je n'aime rien que toi, tu me connais, c'est le choix. Je n'aime rien que toi, mais ça c'est ce que tu crois. Je n'aime rien que toi, tu me connais, c'est le choix. Dans ma tête c'est la baston. Oui c'est vrai, je suis pas gentil garçon. J'ai fait signer un CDI à Cupidon. Assieds-toi, on est mieux servi que par soi-même. Elle te dira, est-ce que tu m'aimes? T'es démontré un con à la chaîne. Une de perdue, dix qui en reviennent. Plus j'avance et plus je me dis, est-ce que c'est bien toi? Une femme nous dira toujours, ai-je fait le bon choix? Hey! Je n'aime rien que toi, mais ça c'est ce que tu crois. Je n'aime rien le choix. Je n'aime rien que toi, mais ça c'est ce que tu crois. Je n'aime rien que toi, tu m'as pas laissé le choix. Monter dans ce train, je me suis trompé. La destination ne m'est pas destinée. Suis-moi. On m'a dit qu'il fallait passer par là, mais tous ces gens ne me ressemblent pas. Mais ai-je fait le bon choix? Je n'aime rien que toi, mais ça c'est ce que tu crois. Je n'aime rien que toi, tu m'as pas laissé le choix. Je n'aime rien que toi, mais ça c'est ce que tu crois. Oh là là. Oh là là. Ai-je fait le bon choix? Magnifique, magnifique.